La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, le destin de notre Terre est intimement lié à celui du volcanisme. Tout au long de l'histoire de notre planète, le volcanisme a joué un rôle essentiel dans la formation de l'atmosphère terrestre, dans l'évolution des reliefs et dans la fertilisation des sols. Les volcans ont marqué la Terre, ils continuent d'ailleurs toujours à jouer un rôle majeur dans son histoire, ainsi que dans l'évolution des civilisations humaines. Et je reçois cet après-midi deux volcanologues qui publient ensemble La belle histoire des volcans. C'est un ouvrage qui paraît aux éditions De Book pour nous embarquer donc dans ces monstres de la géologie qui sont des sources de mort et de vie, comme on le verra avec eux. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. À la une de la science aujourd'hui, la vie justement dans les profondeurs de la Terre. Oui Mathieu, sous nos pieds, dans les roches terrestres, se cache un vaste royaume méconnu du vivant, celui des intraterrestres. Un programme de recherche international vient d'estimer pour la première fois la quantité de microbes qui s'épanouissent dans les profondeurs de notre planète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très nombreux, tellement même qu'ils influenceraient les grands équilibres de notre planète. On voit ça avec vous dans un instant, Stéphanie Bouillon, qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà, la belle histoire des volcans, ce sera le dossier dans un instant avec mes invités que je salue, Henri Gaudru et Gilles Chazot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue. Henri Gaudru, est-ce que tous les volcans du monde sont surveillés comme le lait sur le feu ? Il y aurait beaucoup trop de volcans à surveiller. Hein, compte en vue, on a 10 000 volcans sur la Terre, 1 500 volcans actifs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, les surveiller tous, ça demanderait énormément de personnes. Donc, on donne la priorité aux volcans qui menacent les populations. On les estime à combien, d'ailleurs, à peu près, aujourd'hui sur Terre, ces volcans ? Les volcans potentiellement actifs sont au nombre de 1 500 à peu près, hein, donc qui sont susceptibles de se réveiller à tout moment. Et on considère qu'un volcan est actif s'il a une éruption dans les dernières 10 000 années. C'est un petit peu le critère de sélection. Gilles Chazot, est-ce qu'il est possible pour l'homme de se protéger vraiment de la puissance des éruptions ? Ah, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. On peut essayer de s'en éloigner. On peut essayer de prévoir les éruptions, mais de s'en protéger, c'est très délicat parce que les puissances en jeu sont très importantes. On verra ce qui est à notre disposition quand même aujourd'hui, et puis ce qu'étudie la science autour donc de ces volcans. On se retrouve dans un instant autour de cet ouvrage que vous publiez ensemble. L'exploration du monde vivant dans les profondeurs de la Terre, eh bien c'est le sujet à la une de la science aujourd'hui. Où est-ce qu'on est ? Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le centre de la Terre. On dirait un terrarium. Un terrarium à des milliers de kilomètres sous l'écorce terrestre. Il y a décidément beaucoup de monde caché dans les roches terrestres. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée, c'est la une de la science. Oui Mathieu, nous sommes avec Bénédicte Ménez, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'équipe de géobiologie de l'Institut de physique du globe à Paris et vous êtes membre du Deep Carbon Observatory. Il s'agit d'une grande collaboration internationale qui depuis 10 ans explore les profondeurs de notre planète. Vous venez tout juste d'atteindre l'un de vos premiers objectifs, estimer l'étendue et la quantité de microbes qui se cachent dans les roches terrestres. Alors il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, plus que ce qu'on attendait ? Oui, les chiffres qui sont annoncés sont relativement considérables puisque ce serait 15 à 23 milliards de tonnes de carbone qui seraient piégées dans ces roches sous forme de micro-organismes, des bactéries, des êtres unicellulaires qui se développeraient là. Et donc du coup, on estime même que ce serait 70 à 80% des bactéries et des archées qui seraient présentes dans la Terre et non pas à la surface. Mais alors du coup, on parle de carbone, c'est ça ? On parle, bah oui, puisqu'en fait le vivant est fait de carbone essentiellement, donc on estime leur quantité à l'aide de cet élément. Et donc vous nous avez dit ce sont des archées, des bactéries. De quelle nature exactement sont ces intraterrestres ? Ils sont vivants ? Ils sont endormis ? Peut-être ce sont un peu comme des zombies aussi, on a entendu ça. Alors c'est vrai que il faut imaginer que dans la roche, il n'y a pas énormément d'espace pour se développer. Donc en fait ce sont des petits êtres qui sont dans les pores de la roche. Et donc ils vont être dépendants des quantités d'énergie qui sont à leur disposition. Donc quelquefois, en fait on appelle cet environnement oligotrophe, c'est-à-dire qu'il est très appauvri. En énergie, en source de carbone. Donc la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont souvent endormis dormance, c'est-à-dire que ils n'ont pas grand-chose pour s'alimenter, donc ils maintiennent juste leur fonction, mais dès qu'au gré d'un événement volcanique, d'une circulation hydrothermale, dès qu'il y a un fluide qui passe et qui par chance leur apporte quoi se requinquer, et bien du coup ils reprennent une activité et du poil de la bête. Et du poil de la bête. Et c'est pas forcément des unicellulaires, il peut y avoir des pluricellulaires aussi. Oui, on sait que maintenant la vie en subsurface est habitée par les trois domaines du vivant, donc c'est plus restreint aux bactéries, on a des petits champignons, on a des nématodes, on a des tas d'êtres assez extraordinaires. Alors, ceux qui sont vivants, ils doivent être fascinants à observer, vous nous en disiez un mot. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent ? De la roche, en fait ? Oui, ils se nourrissent essentiellement de l'énergie chimique qui est libérée lors des réactions entre les fluides qui circulent dans la roche. Ça peut être des gaz volcaniques, des eaux souterraines dans les aquifères. Et donc, c'est ces réactions chimiques qui sont déclenchées, dont profite le vivant pour se développer. Parce que à ces profondeurs, vous n'imaginez pas que les rayons du soleil peuvent pénétrer et donc toute photosynthèse est interdite. Donc, ils ne sont absolument pas basés sur cette énergie solaire et donc... Pas d'autres moyens. Donc, vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, cette recherche, cette exploration Deep Carbon Observatory? C'est un peu une aventure à mi-chemin entre 20 000 lieues sous la mer et voyage au centre de la Terre, en référence à Jules Verne, évidemment. Eh bien, cette initiative internationale, elle a été lancée il y a 10 ans parce qu'on a fait le constat qu'on connaissait très peu de choses sur le carbone profond. Donc là, dans ce qu'on a fait, ça concerne les micro-organismes, mais il y a beaucoup d'autres scientifiques qui ont étudié toutes les formes du carbone dans la Terre profonde. Et donc, du coup, de ce constat-là, on a essayé d'explorer. Et c'est comme finalement, on s'est rendu compte qu'on connaissait plus de choses sur la vie extraterrestre ou nos planètes qu'on explorait dans l'espace que finalement notre Terre profonde sous nos pieds. Donc c'est des dizaines d'équipes et des centaines de forages partout au sud, au nord, au fond des mers, sur Terre. Oui, on a essayé d'exploiter un petit peu, enfin je dis on, mais en fait c'est tous mes collègues de la collaboration. On a profité de toutes les opportunités, donc que ce soit des forages océaniques, des mines profondes en Afrique du Sud qui permettaient d'aller explorer à 3 km, des pompages profonds où là on avec que les eaux et pas la roche, mais tout a été bon pour en savoir plus. Est-ce qu'on est capable de dater les formes de vie justement découvertes dans les roches ? Oui, alors c'est souvent accompagné justement, la grande question c'est quel âge ont ces micro-organismes et donc du coup on essaye de dater les eaux dans lesquelles ils vivent et on a des eaux très superficielles qui circulent rapidement à la surface de la Terre et qui là sont des eaux très jeunes, mais dès qu'on va un peu plus profond, on est face à des eaux anciennes et ça, les scientifiques ont des méthodes pour dater et donc ils savent que les écosystèmes qu'on y trouve sont aussi vieux que l'eau et quelquefois plusieurs de dizaines de millions d'années. L'un des points aussi qui va vous intéresser avec cette première salve de découverte sur la vie intraterrestre, c'est de comprendre comment cette vie, dont on n'avait pas conscience, influence les cycles de la Terre. Ce qui se passe en surface est influencé par ce qui se passe en profondeur et vice-versa ? Oui, tout à fait. En fait, ils sont là comme une sorte d'écran et entre la Terre profonde et les enveloppes externes qui regroupent les atmosphères et les océans. Et en fait, c'est un peu le lien, le moteur qui va impacter sur la composition chimique de l'atmosphère au cours du temps, celle des océans. On va à quelle profondeur justement avec ces micro-organismes ? Alors, pour l'instant, donc, les preuves qu'on a, c'est 5 km pour les continents et 3 km environ au fond des océans, donc sous la profondeur d'eau. Et en fait, ce qui va limiter leur développement, ça va être essentiellement la température. Donc on ne va pas trouver de micro-organismes au-delà de 120 degrés, mais tant que la température ne dépasse pas 120 degrés, vous pouvez penser à voir du vivant qui se développe. Alors là, on parlait de notre planète Terre, mais il y a aussi l'idée de pouvoir donner des indices pour ceux qui vont partir explorer d'autres planètes, typiquement Mars. Ça les aidera à savoir ce qu'ils doivent chercher, au fond, des formes de vie qu'on n'imaginait pas. Oui, tout à fait. C'est les nouvelles cibles sur Mars. À la surface de Mars, on sait maintenant que c'est extrêmement sec. On n'y voit pas une trace de vie. Et on imagine que quand Mars a perdu son atmosphère, en fait, toute l'eau liquide a été happée dans les profondeurs. Et si on doit trouver des formes de vie, passées ou actuelles, elles doivent se retrouver avec cette eau profonde qui a été enfouie donc dans les profondeurs de Mars. Merci beaucoup, Bénédicte Ménez, pour cette découverte de la vie intraterrestre. Hein. On n'emploie pas souvent ce terme-là. En tout cas, grâce à vous, on va pouvoir maintenant l'utiliser. Et ces recherches sont absolument passionnantes. Merci à vous, Caroline. Merci. Également. Et bonne année, d'ailleurs, on en profite. Tiens, tous les jours, on va le faire cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans un instant, on parle volcan. Pasa, por levantarte el cabello y el oro que te viste por amarrar. abracé a tu cuello y el cielo de la luna. Que tú quieras mirarlo, está del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada, tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Rosalia, c'était Pienso en tu mira sur France Inter. Vous venez d'entendre les grondements bien particuliers d'un volcan en activité. Vous avez réalisé cet enregistrement, monsieur Taziev, dans le cratère même du Nyiragongo. Pourriez-vous tout d'abord nous rappeler très brièvement ce que l'on sait aujourd'hui de l'origine des éruptions volcaniques ? Eh bien, pour être franc, pas grand-chose. On en est toujours au stade des suppositions et je crains bien qu'on y reste encore très longtemps. On a donc beaucoup plus de chances de connaître bientôt la surface de la Lune que les profondeurs de la Terre. Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est certainement plus facile de nous évader de l'atmosphère terrestre et de pénétrer dans les espaces interplanétaires que de faire des investigations en dessous de la croûte superficielle de la Terre. Cette croûte superficielle est une couche extrêmement mince, une simple coquille par rapport au volume du globe, puisqu'elle ne mesure que quelques dizaines de kilomètres, de 40 à 70 selon les endroits, c'est-à-dire environ 100 fois moins que le rayon terrestre, dont la longueur approximative est de 6000 kilomètres. La tête au carré, Mathieu Vidard. Et c'était la voix donc d'Haroun Taziev en 1958 pour parler cet après-midi dans l'émission de La belle histoire des volcans. C'est un livre qui paraît aux éditions de Book et je reçois ses deux auteurs, Henri Gaudru et Gilles Chazot. Henri Gaudru, vous êtes président de la Société volcanologique européenne et chargé de mission auprès des Nations Unies pour l'atténuation des risques volcaniques. Je ne savais même pas que ça existait. Tiens, qu'est-ce que vous faites exactement pour les Nations Unies ? Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que ce programme des Nations Unies qui existe maintenant depuis plus d'une quarantaine d'années, a été mis sur pied suite à la catastrophe qu'il y a eu au Nevado del Ruiz en Colombie en 1985. La communauté scientifique a été sensibilisée par cette catastrophe qui a fait 28 000 victimes. À partir de là, on commence à se poser la question un petit peu de savoir comment il serait possible d'atténuer un petit peu ce risque colossal pour les populations au pied des volcans. Donc à partir de là, donc la communauté scientifique s'est lancée dans les programmes de prévision, de prévention, pour tenter, disons, d'améliorer ce qui se faisait à l'époque. Ouais. Gilles Chazot, vous êtes professeur au laboratoire géosciences océans de l'Université de Bretagne occidentale, ça se trouve à Brest, et vous êtes spécialiste de la chimie des roches volcaniques. J'imagine que le sujet qui précédait tout à l'heure sur les intraterrestres devait vous intéresser beaucoup. Tout à fait, c'est passionnant, oui, c'est passionnant, parce qu'on voit toutes les interactions entre le vivant et la géologie, en fait. Le vivant se nourrit des roches, mais le vivant modifie les roches, modifie les minéraux, donc il y a des interactions permanentes, et c'est des sujets qui sont d'actualité et qui sont absolument passionnants. Qu'est-ce qu'on trouve comme micro-organismes dans les milieux volcaniques, justement ? Alors, on trouve ce qu'on appelle les extrémophiles, c'est-à-dire toutes ces micro-organismes qui vivent dans des conditions très spéciales, des conditions de haute température, par exemple, des conditions d'acidité. Ah, on va jusqu'à, on le disait tout à l'heure, jusqu'à plus de 80, plus de 100 degrés parfois. Ouais. Et puis des conditions d'acidité, surtout extrêmes, avec des pH très faibles, donc des conditions de vie qui sont absolument étonnante, dans lesquelles on ne pensait pas trouver d'organismes vivants, et il y en a beaucoup. En fait. Exactement. C'est vraiment un monde qui s'ouvre aujourd'hui, ça, précisément. Oui, c'est quelque chose qui évolue très vite, en plus, avec les nouvelles techniques en biologie. Tout ce qui est séquençage d'ADN permet d'accéder à des données auxquelles on n'avait pas accès avant. Et puis toutes les données pour nous, géologues, les données de la chimie, des analyses des roches, on fait beaucoup de progrès aussi là-dessus. Henri Gaudru, alors cet ouvrage que vous publiez donc ensemble avec Gilles Chazot aux éditions Deux Boucs, c'est la belle histoire des volcans. C'est pour dire à quel point justement cette histoire nous accompagne, mais nous humains, mais surtout l'histoire de la Terre quand même. Exactement, depuis le début de l'histoire de la Terre, le volcanisme a joué un rôle extrêmement important. Comme vous le disiez en introduction, il a façonné les reliefs, il a façonné la Terre, il a contribué à l'atmosphère, et même la vie elle-même est plus ou moins liée à l'activité volcanique. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que vraiment dans les tout premiers stades de formation de la Terre, justement, le volcanisme avait déjà un rôle particulier ? On avait déjà des volcans en activité à ce moment-là ? C'est pratiquement toute la Terre qui est en activité, pratiquement. Oui, notre globe était en fait couverte de lave, couverte de magma et pratiquement en fusion. Donc on peut dire que la Terre était un volcan dans son entier, au début de son histoire. Alors justement, Gilles Chazot, parlons chimie et géologie. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cette chimie des tout débuts liée au volcanisme ? On essaie de l'imaginer, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de témoins des premiers âges de la Terre. C'est-à-dire des témoins, des roches de l'époque. On n'a pas de roches. La Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années, et les roches les plus anciennes que l'on a ont à peine plus de 4 milliards d'années. Ouais. Donc il nous manque un petit bout. 500 millions d'années, ce qui est une durée absolument gigantesque. Ouais. On a quelques minéraux, on a ce qu'on appelle des zircons, qui sont des minéraux qui font quelques centaines de micromètres de longueur, qui ont 4,3, 4,4 milliards d'années. Ouais. Mais on n'a aucun témoin rocheux des 500 premiers millions d'années de la Terre. Et ce qui est un énorme problème pour arriver à comprendre ce qui se passait vraiment. On peut... Donc on imagine les scénarios possibles ? On essaie d'imaginer des scénarios possibles à partir de la composition chimique et isotopique des roches un peu plus récentes. Mmh. On essaie de comprendre comment la Terre s'est différenciée, ce qu'on a appelle, c'est-à-dire comment elle a formé un noyau métallique en son centre, et puis à l'extérieur, à la périphérie, on a différencié une croûte, qui est la croûte continentale sur laquelle on marche, et en dessous un manteau qui est bien différent, et ce manteau il est important parce que c'est de là que viennent les magmas qui alimentent les volcans. Manteau qui, j'aime bien le rappeler, est entièrement solide. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, qui pensent que la tectonique des plaques, ce sont des plaques qui se déplacent à la surface d'un océan de magma. En fait, cet océan de magma n'existe pas. Le manteau terrestre est un solide, c'est un solide mou, parce qu'il est à haute pression, haute température, donc il se déforme, les plaques peuvent glisser dessus. Mais c'est solide, Et ce n'est qu'à certains endroits qu'on arrive à faire fondre ce solide pour fabriquer du magma. Et c'est ce magma qui remonte et qui donne les éruptions volcaniques à la surface. Henri Gaudru, Haroun Taziev tout à l'heure nous disait, on en est au stade de la supposition. Bon, bien sûr, c'était en 1958. Et disait, au sujet du volcanisme, on va en avoir encore pour longtemps à supposer. La science dans ce domaine-là a quand même fait beaucoup de progrès, non? Oui, tout à fait. Notamment depuis les 30 dernières années, on a beaucoup progressé. La recherche fondamentale a beaucoup progressé. Les dynamismes éruptifs commencent à être bien connus maintenant. Bien détaillé, et c'est vrai que par rapport à l'époque d'Haroun Taziev, qui était un précurseur en cette matière, on a maintenant une vision un petit peu globale du mécanisme, du volcanisme sur notre planète. Hein. Ouais. Est-ce que justement on peut parler vraiment d'un mécanisme global, ou est-ce qu'il est très spécifique à certains types de volcans, et est-ce que ces volcans sont très nombreux justement dans leur variété ? Ils sont nombreux dans leur variété, du fait qu'ils sont également dans leur contexte tectonique. Les volcans sont pratiquement localisés dans trois endroits sur la Terre. Les zones d'écartement, le rift, donc on a des magmas qui sont très souvent très liquides. Il y a beaucoup de roches en fusion qui donnent du volcanisme qu'on appelait pendant un moment du volcanisme rouge. On a ensuite les volcans qui se trouvent dans les zones de subduction, où une plaque, disons, pénètre sous une autre plaque, qui donne là un volcan beaucoup plus explosif, notamment à cause de l'eau qui est transportée donc par cette plaque qui est subductée. Donc ça donne un volcanisme qu'on appelait pendant un moment un volcanisme gris. Et enfin une troisième zone qu'on appelle les points chauds, qui se trouve au milieu des plaques. L'exemple le plus connu est celui des îles Hawaï, en fait. Hein. Oui. Donc l'archipel des îles Hawaï, qui se trouve à l'aplomb d'un point chaud. Et étant donné que la plaque pacifique se déplace en direction du nord, donc ça donne naissance à un chapelet d'îles donc au cours du temps. C'est ces trois zones donc qui fournissent principalement le volcanisme sur la Terre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de volcans sous-marins dans cette liste-là que vous venez de nous donner. Tout à fait. D'ailleurs, les volcans sous-marins sont bien plus importants, même en nombre, que les volcans terrestres. On peut refaire un point, parce que vous disiez tout à l'heure on a à peu près 1 000-1 500 volcans actifs sur Terre. Mais est-ce que ça comprend les volcans sous-marins? Non, absolument pas. Non, les volcans sous-marins sont bien nombreux. On estime qu'ils sont certainement plusieurs millions, sans doute. Ah bon? Carrément, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont difficiles à observer. C'est des volcans... C'est des volcans un peu différents, parce que souvent ce sont des volcans qu'on appelle fissuraux, ce sont des zones où la croûte océanique s'écarte, et ce sont des grandes fractures par lesquelles le magma sort. Mais est-ce qu'il faut imaginer des montagnes ou pas? Alors, pas tellement, c'est pas vraiment, c'est vraiment une fracture, voilà, c'est ça. Alors c'est ce qu'on appelle les dorsales océaniques, et ces dorsales océaniques, il y en a 70 000 km au fond des océans. Donc c'est quelque chose, l'essentiel du magma qui arrive à la surface de la Terre arrive au fond des océans. Finalement, ce que l'on voit, nous, sur les continents, c'est-à-dire dans les rifs, dans les zones de subduction, dans les points chauds, c'est 25% à peu près du volcanisme à la surface de la Terre. Mais nos volcans terrestres, ils ont un lien avec ces zones dorsales, justement, ou pas? Est-ce qu'il y a des conduits Chaque volcan a sa propre source, dans le manteau. Donc en fait, les magmas se forment à l'aplomb des volcans, là où on arrive justement à faire fondre ces roches du manteau. Oui. Alors après, il peut arriver beaucoup de choses à ces magmas en remontant, et c'est ce que disait Henri, il y a ce qu'on appelle ces volcans rouges et ces volcans gris. Et en fait, ça dépend de ce qui se passe entre le moment où se forme le magma et le moment où il arrive à la surface. Dans certains cas, ce magma remonte très rapidement. En quelques dizaines d'heures, quelques jours, quelques semaines, il transite depuis le manteau jusqu'à la surface. Mmh. Dans ce cas-là, ce magma, il est fluide, il est pauvre en gaz et il donne des éruptions qu'on va dire d'intensité modérée. Ce sont les explosions que l'on voit de gerbes rougeoyantes, ce sont des coulées de lave. Donc ça, c'est le volcanisme assez classique et finalement peu dangereux pour l'homme. Par contre, ces magmas, les mêmes magmas, parfois peuvent se stocker dans des réservoirs à l'intérieur de la croûte, à des profondeurs qui peuvent être très variables, parfois 10, 20, 30 kilomètres de profondeur, parfois juste à quelques kilomètres de profondeur. Mmh. Et dans ces réservoirs, ces magmas vont évoluer. Donc ça, c'est l'effet cocotte-minute un petit peu, on pourrait dire? Pas uniquement, ces magmas vont cristalliser en partie. C'est-à-dire que leur température va diminuer, il y a des minéraux qui vont se former, et le fait qu'on cristallise une partie du magma va faire évoluer la composition chimique du magma qui reste dans la chambre magmatique. Et cette évolution chimique, elle a deux conséquences. D'une part, la teneur en silice des magmas va augmenter, et cette teneur en silice, elle conditionne la viscosité des magmas. et qui dit viscosité, dit magma qui aura plus de mal à se déplacer. Et pendant cette cristallisation, les magmas vont aussi s'enrichir en gaz. Donc là, il y a une dangerosité supplémentaire. La dangerosité augmente, les magmas sont plus visqueux, ils sont beaucoup plus riches en gaz, et dans ce cas-là, les explosions, les éruptions vont être beaucoup plus violentes. Ouais, et ça, on les a bien localisés, ces volcans-là. Ces volcans-là se trouvent principalement autour du Pacifique, c'est la fameuse ceinture de feu du Pacifique, qui porte bien son nom, zone de subduction, où là, il y a vraiment du volcanisme actif et très dangereux pour les populations. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion à la découverte de ce volcanisme terrestre et sous-marin, et c'est sur France Inter dans La Tête au Carré. Elle me dit fuis le miroir, garde l'espoir, suis le tour, regarde devant, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment. Elle me dit fuis le miroir. Le jour, et la nuit, le jour, et la nuit. Elle me dit fuis la colère, regarde derrière, garde l'espoir, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment, garde l'élan. Elle me dit fuis la colère, le jour, la nuit, le jour, et la nuit. Un jour découvrir, et puis devenir. Un jour découvrir, et puis devenir. Le jour, never walk away. Le jour. La nuit, c'était la voix de Gaëtan Roussel. La Tête au Carré sur France Inter. Voilà mes invités Henri Gaudru et Gilles Chazot qui sont les auteurs de ce livre La belle histoire des volcans qui paraît aux éditions de Book avec une très belle iconographie aussi pour s'offrir un voyage dans le monde entier finalement Gilles Chazot. Ah oui, on voyage à la fois dans l'espace et dans le temps, ouais, puisque c'est une chronologie de l'histoire de la Terre. Et on en profite pour visiter un petit peu tous les continents, absolument, le fond des océans, de l'île de Pakalisland, en passant par évidemment le volcanisme aussi planétaire. Tout à fait. Ouais. Quelles sont d'ailleurs les planètes les plus concernées par les volcans et qu'est-ce qu'on entend par le volcanisme comme ça ailleurs dans le système solaire? Oui, c'est-à-dire que toutes les planètes du type terrestre, disons, possèdent des volcans, donc se sont formées un petit peu de la même façon, par accrétion des roches, et toutes ces planètes-là ont connu à une certaine époque, qui peut remonter à plusieurs millions d'années, un certain volcanisme. Mais il n'y a plus de volcans actifs aujourd'hui sur les planètes du système solaire? Peut-être depuis quelques temps, on pensait effectivement qu'il n'y avait pas vraiment de volcans actifs, mais les récentes découvertes laisseraient supposer, notamment que sur Vénus, il y aurait même actuellement du volcanisme actif, selon les derniers, dernières sondes qui ont repéré ceci. Hein, sinon, il y a du volcanisme, c'est un petit satellite qui s'appelle petit satellite de Io, mais c'est un volcanisme un petit peu différent. Hein, donc, c'est la lune de quelle planète, Io? C'est Saturne, si je me souviens. Saturne. C'est Jupiter. Jupiter, voilà. Jupiter, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Il y a du volcanisme cryogénique sur Encélade, qui est un autre satellite. Oui. Mais sur Io, c'est un volcanisme un peu très riche en soufre, un petit peu différent de ce qu'on trouve sur Terre. Alors, Gilles Chazot, justement, profitons pour faire un petit peu d'histoire, parce qu'il y a vraiment eu des épisodes très marquants. Alors, si on remonte assez loin, on peut se souvenir, par exemple, que la Terre a été une boule de glace à un moment, hein, qui s'est vraiment figée dans la glace. Cet épisode de refroidissement, c'était il y a combien de millions d'années? Alors, on en connaît au moins deux. Il s'est passé quelque chose vers 2,2 milliards d'années, donc il y a très longtemps. Et puis, plus récemment, vers 720, 750 millions d'années. On a de bonnes évidences pour dire que la Terre a été entièrement ou presque entièrement recouverte de glace. Ouais, ça c'est fou. Ouais. Ça c'est assez étonnant, c'est-à-dire que le climat a varié au cours de l'histoire de la Terre. Et là, il y a eu un refroidissement suffisamment important pour que c'est un phénomène auto-entretenu. Si une partie de la Terre se recouvre de glace, l'albédo augmente, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire réfléchie dans l'espace augmente, et le refroidissement ne cesse d'augmenter. Mais les volcans, ils ne s'étaient pas éteints pour autant. Alors, les volcans n'étaient pas éteints, mais continuaient à fonctionner sous la glace. Ouais. Et puis de temps en temps, il devait percer un peu le dessus des glaciers. Et donc, ce qui est important, c'est que on s'est longtemps demandé comment on avait pu sortir de ces épisodes de terrain glacé. Alors, ils ont eu une importance considérable au niveau du développement de la vie, parce que la vie a été considérablement... Alors que c'était figé justement dans la glace. Oui, mais justement, la vie dans les océans a presque disparu pendant ces épisodes de terrain glacé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a par contre rebondi après les épisodes qui ont eu lieu vers 700 millions d'années. Très rapidement après, on a inventé les métazoaires à la surface dans les océans. Donc on a l'impression que ce goulot d'étranglement de la vie lui a permis de se redévelopper encore plus après. Oui. Henri Gaudru. Oui, on a encore des exemples d'ailleurs de volcans sous glaciaires. C'est quelque chose qui fonctionne encore en Islande notamment. Oui. Donc il y a beaucoup sous le grand glacier Vatnajökull, un certain nombre de volcans actifs qui régulièrement se réveillent. Et donc on a une idée un petit peu de ce qu'est le volcanisme sous-glaciaire, un volcanisme explosif qui fait fondre la glace, qui donne naissance à des grandes coulées qu'on appelle des Jökulhlaup. Des Jökulhlaup. Oui, c'est très joli. Je suis pas sûr que la prononciation soit la bonne en islandais. Non, mais c'est bien, on aime bien. Alors, parmi les autres épisodes marquants qu'on découvre aussi dans cet ouvrage, c'est celui de cette période charnière il y a 65 millions d'années qui a vu la disparition des dinosaures, parce qu'on a surtout parlé de la météorite. Or, dans le même temps, on trouvait une activité volcanique très importante. Il y a eu une activité volcanique énorme qui s'est reproduite à plusieurs épisodes de l'histoire de la Terre, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on appelait avant le volcanisme de trappe, qu'on appelle maintenant les grandes provinces magmatiques. C'est un volcanisme énorme, c'est-à-dire ce sont des millions de kilomètres cubes de roches volcaniques qui se mettent en place à la surface. Imaginez quoi sur le globe ? Plusieurs volcans à différents points du globe ? C'est pendant une durée de 1 million ou 2 millions d'années. Dans une région de quelques milliers de kilomètres carrés, ce sont des successions de milliers d'éruptions volcaniques qui durent chacune, qui s'ouvrent, qui vomissent de la lave, qui durent chacune quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qui émettent des quantités énormes de roches volcaniques. Par exemple, pour vous donner une idée, les trappes du Deccan en Inde, qui datent justement de 65 millions d'années, en volume, c'est l'équivalent de la surface de la France recouverte d'un kilomètre de roches volcaniques. Donc bien sûr, ce volcanisme s'accompagne d'énormes émissions de produits dans l'atmosphère, des cendres, mais aussi du soufre qui va former de l'acide sulfurique, tout un tas de composés d'halogènes qui perturbent le climat, qui perturbent l'atmosphère et donc qui pourraient être à l'origine de la crise biologique Crétacé-Tertiaire. Voilà. Henri Gaudru. Oui, ça pourrait être effectivement la combinaison, disons, de la météorite et également de l'activité volcanique très très intense à cette époque. On pourrait très bien relier les deux pour expliquer un petit peu l'extinction de nombreuses espèces à cette époque-là. Donc les dinosaures avec une chance de s'en sortir quasiment entre la météorite et le volcanisme. Oui, c'était malheureux pour eux, c'est sûr. Double peine. Oui. Alors si je peux revenir quelques instants sur l'épisode de Terre englacée, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit. Alors donc là, on revient à 700 millions d'années en arrière. On revient à 700 millions d'années en arrière. Voilà, je vous préviens, mais voyage dans le temps. Pour préciser les choses, c'est que comment sortir de ces épisodes de Terre englacée ? Eh bien, c'est justement grâce aux volcans. Parce qu'en fait, dans l'état actuel de la Terre, aujourd'hui, les volcans émettent de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Heureusement pour nous, parce que ce CO2, il est à l'origine de l'effet de serre qui permet de faire en sorte que la température moyenne de l'atmosphère terrestre est de plus 14, plus 15 degrés. Si on enlève le CO2 de l'atmosphère terrestre, la température moyenne à la surface de la Terre descend à moins 18. Ah oui, quand même. Donc, merci le CO2, au moins celui envoyé par les volcans. Oui. Les volcans en injectent en permanence, et ce CO2, il est en équilibre avec le CO2 dans les océans, et il est stocké en partie dans les roches sédimentaires carbonatées. Si vous recouvrez la Terre et les océans de glace, il n'y a plus d'échange entre l'atmosphère et l'océan, donc le CO2 des volcans s'accumule dans l'atmosphère, va induire un effet de serre de plus en plus important, et c'est lui qui va permettre de réchauffer l'atmosphère, faire fondre la glace et sortir des épisodes de terre glacée. D'où évidemment le lien avec le climat, hein, qui est extrêmement important. Tout à fait, on pourrait croire que les volcans ce sont des grands pollueurs, hein, mais ces estimations de 2017 ont fait ressortir que le volume de CO2 émis par les volcans, échelle haute, c'est à peu près 500 millions de tonnes par an. Et les hommes? Et nous, les hommes, on en est à 35 milliards de tonnes par an. C'est incroyable, ça. La différence est colossale. Ouais. Bon, voilà, un petit peu notre responsabilité. Allez, on va encore un petit peu dans l'histoire, plus proche de nous, évidemment, par rapport aux époques que nous venons d'évoquer, puisque au Moyen-Âge également, la Terre a enregistré un épisode de volcanisme très marquant. L'historien Sébastien Guillet s'est rendu dans de nombreux monastères et bibliothèques à travers l'Europe. C'est grâce aux témoignages manuscrits de moines chroniqueurs du XIIIe siècle qu'il a trouvé de précieuses informations. Les sources historiques attestent de sévères crises de subsistance dans presque toute l'Europe. C'est le cas en France, en Espagne, en Allemagne, de 1258 à 1261. Parmi les textes les plus significatifs retrouvés par l'historien, figure celui inscrit dans les annales de Spire, en Allemagne. Tout le texte est écrit en latin, à l'exception d'un seul mot, Munkeliar. Ce terme signifie non seulement l'année sombre, mais également l'année des brouillards. Il a été inventé par la population. Une population qui a dû souffrir pendant plus d'un an d'un manque de soleil constant, de très mauvaises conditions météorologiques, tant au niveau des températures que des précipitations. Et l'année des brouillards suggère très fortement qu'on avait la présence d'un voile d'aérosol volcanique dans la stratosphère en 1258. Voilà, Henri Gaudrus, une belle appellation, ça, l'année des brouillards. L'année des brouillards, ouais. Oui, tout à fait. On l'a cherché pendant de très très longtemps, l'origine justement de ce volcan qui avait provoqué cette catastrophe dans de nombreux pays, notamment sur l'Europe. Et c'est que très récemment, en fait, une équipe a pu retrouver le coupable, en fait, hein, et qu'on a appelé le volcan Samalas, hein, qui est un volcan qui se trouve en Indonésie. Et tout semble concorder au niveau du temps et au niveau de la puissance de cette éruption pour expliquer, disons un petit peu, cette catastrophe de voile de brouillard qu'il y a eu à cette époque. C'est ça. Si Gilles veut Donc, compléter. De l'Indonésie, on voit un impact sur l'Europe entière. Tout à fait, oui. Et ce qui est important, c'est que pendant cette époque, on a quelque chose de très ponctuel, c'est-à-dire cette éruption qu'on date à peu près en 1257, et c'est quelques années après, pendant lesquelles le climat est perturbé. Mais de façon plus globale, on a à cette période le début de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est cette période anormalement froide qui va durer plusieurs siècles, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Et on a longtemps cherché l'origine de ce petit âge glaciaire. Certaines hypothèses nous disent que l'activité du soleil aurait pu diminuer un petit peu pendant quelques siècles, parce qu'après tout, le soleil, c'est une machine complexe, il fonctionne pas forcément tout le temps exactement de la même façon. Donc, il aurait pu y avoir une très légère baisse d'intensité solaire, mais voilà, on n'avait pas de preuves. Et depuis quelques années, on se rend compte que vers les 12e, 13e siècle, il aurait pu y avoir plusieurs très grosses éruptions volcaniques, dont celle du Samalas, dont parlait Henri, et dont les effets auraient pu s'ajouter l'une après l'autre pour perturber le climat terrestre, non plus là sur quelques années, mais sur 2, 3, 4 siècles. On voit la puissance de frappe, Henri Gaudru, des volcans, hein, quand ça se met en colère, justement, leur impact sur l'environnement, et donc évidemment les populations. Hein. Oui, tout à fait, les populations qui résident autour des volcans, naturellement, mais le volcanisme peut aussi avoir un impact beaucoup plus large, à des distances extrêmement importantes, hein, et même une éruption de taille relativement modeste, hein, tout le monde se rappelle un petit peu 2010, l'éruption du volcan avec un nom imprononçable, Eyjafjall. En Islande. En Islande. Qui a vous avez choisi la version courte. Oui, tout à fait, c'est plus facile à dire. Tout à fait. Qui était une éruption absolument modeste et qui a provoqué les interruptions, disons, au niveau du trafic aérien sur toute l'Europe pendant un grand nombre de temps. D'ailleurs, ça s'était produit déjà en 1783, une éruption d'un autre volcan islandais, le Laki. une éruption cette fois-ci beaucoup plus importante, hein, qui avait provoqué également des perturbations climatiques importantes sur l'Europe, hein, une éruption qui avait duré à peu près 8-9 mois, si je me souviens bien. Et ces effets s'en sont fait sentir encore plusieurs années après. Hein, on a eu des hivers très très froids. Paris, des températures de moins 19 degrés notamment, en 1788. Et ensuite, il y a eu des orages de grêle et tout ça. Ce qui a fait dire à certaines personnes que ce sera peut-être une des causes de la Révolution française de 1789. Car qui dit perturbation climatique, les récoltes sont perdues, famine et tout ce qui s'ensuit. Alors, puisque le trafic aérien peut être interrompu à cause des volcans, eh bien prenons le cargo culte de Serge Gainsbourg. Je sais, moi, des sorciers qui invoquent les jets dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Ils scrutent le zénith. De cet appareil. Ces créatures n'ont dénué de raison. Ces papous attendent de dénuer la varie de Viscount, celle des comètes. Et comme leur totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds ni Boeing, sais-tu, es-tu resté? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? Plus rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires, moi. garde cette espérance d'un désastre aérien qui me ramènerait mélodie. Mineur détourné de l'attraction des astres. Comment ? C'était bien sûr Serge Gainsbourg. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà mes invités, Henri Gaudru et Gilles Chazot, auteurs tous les deux de ce livre donc sur la belle histoire des volcans qui paraît aux éditions de Book et avec plein de questions encore à vous poser parce que évidemment l'histoire de la Terre a été marquée par des événements majeurs hein, liés justement au volcanisme. Henri Gaudru, quels sont finalement les deux événements là qui vous viennent à l'esprit tout de suite dans l'histoire et qui vraiment ont été absolument phénoménaux? Une des plus récentes, qui s'est produite au 19e siècle, hein, c'est celle du Tambora, qui a eu un impact colossal sur le climat, justement. On resitue le volcan ? Oui, c'est un volcan qui se trouve en Indonésie. Ouais, donc, décidément. Un chapelle, encore une fois, oui, les Indonésiens possèdent un grand nombre de volcans, oui, une densité de volcans, une densité de population très importante en même temps. Ouais. Gilles Chazot, alors, ce Tambora, qu'est-ce qu'il a causé comme perte C'est une énorme éruption, enfin une énorme éruption. On a connu des beaucoup plus grosses éruptions dans les quelques derniers millions d'années. C'est une des très grosses éruptions historiques. Sous l'ère humaine, on pourrait dire. Sous l'ère humaine, voilà. Oui, elle a été caractérisée de l'indice d'explosivité volcanique maximum qu'on ait connu jusqu'à maintenant, qui c'est d'ailleurs de 8. Ouais. On n'a pas connu. Ça, c'est l'explosivité volcanique. Voilà, c'est un petit peu comme l'échelle de Richter pour les séismes. On a une échelle d'explosivité volcanique qui permet justement de classer un petit peu tous les types d'éruptions. Voilà, donc c'est une des très grosses éruptions des temps historiques. Et elle a eu un impact phénoménal sur le climat, puisqu'elle est à l'origine de ce qu'on a appelé les années sans été. Donc cette éruption a eu lieu en 1815 et on s'est aperçu que dans les années 1816-1817, le climat a été fortement perturbé, notamment en Europe de l'Ouest, Europe centrale et Europe de l'Ouest, avec, comme son nom l'indique, des étés absolument épouvantables qui ont empêché les cultures d'arriver à leur terme. Et qui ont provoqué des famines considérables dans toute l'Europe de l'Ouest. Alors, il y a eu beaucoup d'impact de cette éruption. Il y a eu des épidémies de choléra. Il y a eu une épidémie de choléra qui a commencé en 1818-1820 dans le golfe du Bengale et qui s'est propagée en direction de l'Ouest, qui a atteint l'Europe dans les années 1830 et qui s'est propagée jusqu'en Amérique du Nord. Et là, on estime qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts liées à cet épisode du choléra. Et il y a quelques anecdotes assez amusantes parce que... On en trouve. Oui, on en trouve amusantes ou intéressantes. C'est qu'en 1816, Mary Shelley était en vacances à Genève, au bord du lac Léman. C'est elle qui a écrit Frankenstein. Et c'est elle qui a écrit Frankenstein, justement dans l'ambiance de cet été passé au bord du lac Léman, au milieu des tempêtes. C'est pour ça qu'elle a écrit Frankenstein, parce qu'il faisait tellement pas beau qu'elle n'est pas sortie. Il faisait pas beau, l'ambiance était absolument catastrophique avec des orages, et elle a écrit Frankenstein. Si une éruption... Cette éruption aussi a bénéficié à certains peintres, comme Turner, sur les peintures de Turner, et des ciels absolument fabuleux à toute cette époque. Si une éruption comme celle de 1815 avait lieu aujourd'hui, quelles seraient ses conséquences? On peut l'estimer ou pas? C'est difficile parce que ça dépend beaucoup de l'endroit où se trouve le volcan. Ouais. Ça dépend notamment de la latitude à laquelle se trouve le volcan parce que les effets sur l'atmosphère sont extrêmement complexes. On est encore très très loin d'avoir compris les interactions entre les produits émis par les volcans et l'atmosphère terrestre. Mais une éruption comme celle du Tambora avec 2 ou 3 ans de refroidissement global... ça entraîne une diminution très importante des productions de céréales sur Terre. Et quand on sait la difficulté que l'on a aujourd'hui à nourrir les populations à la surface du globe, 2 à 3 ans de diminution de production céréalière, ça veut dire une augmentation des cours du céréale, des céréales, et ça veut donc dire des millions de personnes qui n'ont plus les moyens d'acheter à manger, et une catastrophe humanitaire sans doute sans précédent. Oui. Autre événement très marquant, évidemment, pour la population de la Martinique, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902 et 50 ans plus tard, justement, un témoignage d'un des survivants de cette éruption. Que faisiez-vous exactement, monsieur Senaktali, le 8 mai 1902 ? Et quel souvenir avez-vous gardé de cette triste journée ? Tout paraissait calme, le ciel était serein. Une haute colonne de fumée sortait du cratère du volcan, indice d'une pression considérable. Et alors que nous étions à la fabrique d'allumettes, alors que nous étions en train de plaisanter avec les ouvrières, une de nos cousines restée sur la plage nous crie brusquement « Attention, attention, les enfants, nous sommes perdus !» Et en effet, je vois dévaler sur Saint-Pierre et sur la mer les nuées ardentes. J'ai eu l'impression, peut-être un peu ridicule, d'une charge de cavalerie. Ces nuées arrivant en tourbillonnant et en fuyant, nous voyons ces nuées nous dépasser sur la mer. Nous étions heureusement protégés par un coude du littoral. Arrivé sur la place du marché, je vois un de mes cousins tomber à genoux, les bras levés au ciel, le spectacle qui était d'ailleurs tout à fait saisissant, un ciel rouge, des lambeaux de nuées qui nous surplombaient, heureusement refoulés par un vent violent qui à ce moment-là, n'est-ce pas, s'est levé. On s'étonnait que les gens de Saint-Pierre n'arrivent pas, et puis finalement on a fini par comprendre que Saint-Pierre était en feu et que toute la population avait disparu. Voilà, 29 000 morts hein, liés justement à l'éruption de la montagne Pelée. Tout à fait, oui. C'était le début du 20e siècle a été source de nombreuses éruptions très catastrophiques dans de nombreux pays. Hein, et puis effectivement, la montagne Pelée a été marquante pour l'époque. Hein. Henri Gaudru, comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui justement que autant de gens, de personnes vivent encore à proximité de volcans potentiellement très dangereux? Je crois que c'est plus de 600 millions de personnes dans le monde, c'est ça? Dans le monde, tout à fait, qui vivent à côté des volcans. Mais c'est l'intérêt principal pour eux, disons, c'est la fertilité des sols volcaniques. Donc, ça c'est la phase positive des choses. La phase positive des choses, hein. Une des phases positives des choses, hein, parce que bon, en Indonésie notamment, grâce à la fertilité des sols, on arrive à faire 3 récoltes de riz par an. Donc c'est important quand on connaît la population importante de l'Indonésie. Donc c'est une des raisons principales, mais il y a aussi tous les autres bienfaits du volcanisme, les matériaux de construction hein, qui sont aussi importants pour les populations. Donc aussi bien pour faire des bijoux, pour aussi certaines roches volcaniques sont utilisées pour les bijoux. D'autres, il y a les diamants également. Donc c'est aussi un bienfait du volcanisme. Hein, c'est les roches qui sont remontées, disons, par les cheminées volcaniques et qui contiennent ce genre de roches. La kimberlite, ça s'appelle une roche qui contient ce type de diamant. Donc il y a beaucoup de choses qui aussi apportent, on parle toujours des méfaits du volcanisme quand une grande catastrophe se produit naturellement, mais on oublie aussi un petit peu tout ce que le volcanisme peut nous apporter. J'oublie la géothermie naturellement, le thermalisme, enfin tout un ensemble de choses. Donc Gilles Chazot, effectivement cet environnement volcanique il fait intimement partie non seulement de la vie de la Terre mais aussi de celle des humains et finalement il y a aussi de très très bonnes choses à en tirer. Hein. Oui bien sûr, et on disait tout à l'heure, le CO2 dans l'atmosphère est un bienfait du volcanisme. Et puis, le lien avec l'invité du début de l'émission, c'est que le volcanisme aurait pu être aussi à l'origine de la vie sur Terre, c'est-à-dire que... On parlait, pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de l'émission, de la vie intraterrestre. La vie intraterrestre. Les micro-organismes dans les roches. Tout à fait. Terre. Et en fait, le volcanisme induit ce qu'on appelle la circulation hydrothermale au fond des océans, c'est-à-dire l'eau de mer qui pénètre dans les roches, qui se réchauffe lorsqu'elle s'approche des réservoirs de magma en profondeur. Et cette eau, elle vient réémerger sur le plancher océanique à haute température. Mmh. Et on pense que ces endroits, ces cheminées hydrothermales sur le fond des océans, pourrait être un des endroits où aurait pu apparaître la vie sur Terre il y a environ 4 milliards d'années. Donc une apparition de la vie qui pourrait être directement liée au volcanisme et à la circulation hydrothermale au-dessus des volcans. Donc il y a l'hypothèse extraterrestre hein, de la vie apportée depuis l'extérieur. Oui, alors celle-là, elle est pas. On pense que les météorites auraient pu apporter des molécules organiques, mais pas vraiment des organismes vivants. Par contre, la vie aurait pu apparaître à la surface des océans, là où il y a de la lumière du soleil, là où il y a des apports d'éléments venant des continents, avec le problème du rayonnement ultraviolet qui, à l'époque, perturbait pas mal la reproduction des nucléotides. Mais Par contre, au fond des océans, on était à l'abri de ce rayonnement ultraviolet, on avait des sources d'énergie, des éléments chimiques liés au volcanisme, liés à l'hydrothermalisme, et la vie aurait pu apparaître au fond des océans. Henri Gaudru, est-ce qu'on peut anticiper un événement volcanique majeur aujourd'hui ou est-ce que c'est pas du tout dans les possibilités offertes? Si, si, tout à fait. Maintenant, il est possible, grâce aux technologies modernes, d'anticiper. Mais avec beaucoup d'avance hein. Alors ça dépend. On peut détecter les signes précurseurs d'une éruption, donc avec la sismicité, avec la déformation, avec la géochimie. C'est-à-dire, on sait quand le volcan commence à se réveiller, entre guillemets, et là, on arrive à détecter ces signes. Le problème après, c'est de savoir à partir de quel seuil, vraiment, l'éruption va vraiment s'enclencher, et puis quel type d'éruption va se produire. Et on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ça en étudiant le passé du volcan, par exemple, en étudiant... Pour savoir comment il s'est comporté à une certaine époque. Et donc, grâce à cette histoire, on peut savoir ce qui peut se passer dans le futur. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'est passionnant et c'est un beau livre, La belle histoire des volcans. Et même si Noël est passé, on peut quand même se l'offrir en ce début d'année. C'est aux éditions de Book. Indispensable. Et vous les signez Henri Gaudru et Gilles Chazot. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette tête au carré volcanique. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission et dans un instant, la fiction du vendredi dans Affaires Sensibles puisque vous retrouverez Fabrice Drouel. Passez un très bon week-end, à bientôt.